Nicolas de Condorcet, Réflexion sur l'esclavage des nègres, lu par Charlotte, pour audiocité.net sous licence creativecommons.org. Épître dédicatoire aux nègres esclaves. Mes amis, quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les blancs. Je ne parle ici que de ceux d'Europe, car pour les blancs des colonies, je ne vous fais pas l'injure de les comparer avec vous. Je sais combien de fois votre fidélité, votre probité, votre courage ont fait rougir vos maîtres. Si on allait chercher un homme dans les îles de l'Amérique, ce ne serait point parmi les gens de chair blanche qu'on le trouverait. Votre suffrage ne procure point de place dans les colonies, votre protection ne fait point obtenir de pension, vous n'avez pas de quoi soudoyer les avocats. Il n'est donc pas étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause que vous n'en avez trouvé qui se soient honorés en défendant la vôtre. Il y a même des pays où ceux qui voudraient écrire en votre faveur n'en ont point la liberté. Tous ceux qui se sont enrichis dans les îles, aux dépens de vos travaux et de vos souffrances, ont, à leur retour, le droit de vous insulter dans des libelles calomnieux. Mais il n'est point permis de leur répondre. Telle est l'idée que vos maîtres ont de la bonté de leurs droits. Telle est la conscience qu'ils ont de leur humanité à votre égard. Mais cette injustice n'a été pour moi qu'une raison de plus pour prendre, dans un pays libre, la défense de la liberté des hommes. Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage et que la douceur d'être béni par vous me sera toujours refusée, mais j'aurai satisfait mon cœur déchiré par le spectacle de vos maux, soulevé par l'insolence absurde des sophismes de vos tyrans. Je n'emploierai point l'éloquence, mais la raison. Je parlerai non des intérêts du commerce, mais des lois de la justice. Vos tyrans me reprocheront de ne dire que des choses communes et de n'avoir que des idées chimériques. En effet, rien n'est plus commun que les maximes de l'humanité et de la justice, rien n'est plus chimérique que de proposer aux hommes d'y conformer leur conduite. Préface des éditeurs. Monsieur Schwartz nous ayant envoyé son manuscrit, nous l'avons communiqué à monsieur le pasteur, l'un de nos associés, qui nous a répondu que cet ouvrage ne contenait que des choses communes, écrites d'un style peu correct, froid et sans élévation, qu'on ne le vendrait pas et qu'il ne convertirait personne. Nous avons fait part de ces observations à monsieur Schwartz, qui nous a honorés de la lettre suivante. Messieurs, je ne suis ni un bel esprit parisien qui prétend à l'Académie française, ni un politique anglais qui fait des pamphlets dans l'espérance d'être élu membre de la Chambre des communes et de se faire acheter par la cour à la première révolution du ministère. Je ne suis qu'un bonhomme qui aime à dire franchement son avis à l'univers et qui trouve fort bon que l'univers ne l'écoute pas. Je sais bien que je ne dis rien de neuf pour les gens éclairés, mais il n'en est pas moins vrai que, si les vérités qui se trouvent dans mon ouvrage étaient si triviales pour le commun des Français et des Anglais, l'esclavage des nègres ne pourrait subsister. Il est très possible cependant que ces réflexions ne soient pas plus utiles au genre humain que les sermons que je prêche depuis 20 ans ne sont utiles à ma paroisse, j'en conviens, et cela ne m'empêchera pas de prêcher et d'écrire tant qu'il me restera une goutte d'encre et un filet de voix. Je ne prétends point d'ailleurs vous vendre mon manuscrit, je n'ai besoin de rien. Je restitue même à mes paroissiens les appointements que le ministre de l'État me paye. On dit que c'est aussi l'usage que font de leurs revenus tous les archevêques et évêques du clergé de France depuis l'année 1750, où ils ont déclaré solennellement à la face de l'Europe que leur bien était le bien des pauvres. J'ai l'honneur d'être avec respect, etc. Signé Joachim Schwartz, avec paraphe. Cette lettre nous a paru d'un si bon homme que nous avons pris le parti d'imprimer son ouvrage. Nous en serons pour nos frais typographiques, ou les lecteurs pour quelques heures d'ennui.